to shoot and say hi. And then we kissed his own feet and thought that is not making sure that he's what we learned from a day we bought. Till the day we got and we run and meet each other in the street and say hi. And then we kissed each other's feet and thought that is not making sure that he's what we learned from a day we bought. Till the day we got. Such words we use and the words we abuse just to get our own way in the world today. These are the words we use and the words we abuse just to get our own way in the world today. El feixisme més que mai està present en discursos d'altres temps. Les banderes espanyoles no porten l'ocell i cal lluitar contra el que et vol trepitjar, atacant les amenaces, cal anar-les a buscar. Segur que arribaran amb la força per davant, cada sol amb les ulleres com a la explotación. Porque la fuerza del pueblo paloma siempre será la unión. Que no, paloma, no. Casi que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Casi que no trabajo ya. le bordel. Qui assassine la capitale, c'est qu'elle ne sait Noël. Mais qu'elle conseille sa rage à vivre, c'est quand même des crados. Mais on s'en va la race quand on quitte notre pogo. Oh non, je crois qu'ils sont tous morts. Oh non, et les morts bouffent les morts. On joue les plus grands trucs que bon, ça fait vaxer les morts. C'est un public assertif, un type au votre balle. Même les comptes de soldats partis qui trouvent le hardcore. Y'a pas à dire la fin du monde, ça rend les poulets plus sociales. Oh non, je crois qu'ils sont tous morts. Oh non, et les morts bouffent les morts. Et nous le voyons, le chaos qui vient. C'est l'heure du boxon, de la chasse aux crétins. Ah non, je crois qu'ils sont tous morts. Ah non, et les morts bouffent les morts. great vocal intro. You're a worrywart, baby! Yeah. estén muriendo de rodillas. Mirado, mirado por la borda de un barco. Todo es mejor pa' que bajen los precios. Sobre tu mesa no faltarán guerras en mi muerte que te ayudarán a llenar tu paz y vaciar tu cráneo, para así seguir olvidando los pesones. Busca culpable el dinero, busca culpable el poder. carcabespo.